L'Heptaméron des nouvelles de Marguerite de Navarre. Avertissement. Quand sur un sujet il n'y a rien ou peu de choses, on est forcé de tout dire, il n'en serait pas ainsi avec Marguerite de Navarre. Elle a eu un rôle vraiment historique. Elle a laissé un livre très connu et qui mérite de l'être. Si l'on devait parler d'elle en détail, on raconterait presque tout le règne de François Ier et l'on pourrait écrire une partie de l'histoire littéraire de son époque. Ici, en tête de son œuvre principale, de celle qui l'a fait vivre et à laquelle il convient de laisser la parole, nous n'avons pas à donner au cadre une importance où se perdrait le tableau. Sans avoir tout dit, bien des écrivains se sont occupés de la reine de Navarre et l'on en jugera facilement par une revue rapide. Dès 1550, Marguerite est morte en 1549. Il en a paru une véritable biographie très personnelle et très particulière sous la forme d'oraisons funèbres, et comme telle, elle est singulièrement supérieure à toutes celles du même temps. Par sa convenance et par sa simplicité, comme par la réelle sincérité du sentiment qui l'anime, elle est certainement l'une des plus remarquables de toutes celles qui ont précédé les grands chefs-d'œuvre du XVIIe siècle en ce genre. Comme celui qui l'a écrite a voulu s'adresser à la fois aux savants et au public, on la possède en deux langues. Voici le titre de l'édition latine. In obitum incomparabilis Margaritae illustrissimae Navororum reginae oratio funebris per Carolum sancto Martanum eusdem reginae dum illa viviret apud Allen coniensis conciliarum et supplicum libelliorum magistrum accessere eruditorum murorum eusdem reginae epitapia Parisiis ex officina, Reginaldi Calderii et Claudii eius filii. M.D.L. in quattro de 147 pages. À la fin, depuis la page 127, se trouvent les épitaphia, ceux en vers grec de Jacques Goupil, médecin, et ceux en vers latin du jurisconsulte Mathieu Dupac, de Pierre des Mireurs, Petrus Mirarius, d'Antoine Armand de Marseille, de René et de Charles de Sainte-Marthe, de Pierre Martel d'Alençon, d'Hubert Suzanne, Susanneus, le tout terminé par une épitaphe lapidaire signée de Nicolas Denisot. Inscribebat cornes Alcinous. Sainte-Marthe devait certainement attacher beaucoup plus d'importance à ce qu'il écrivait dans la langue de Cicéron, mais, heureusement pour lui et pour Marguerite, il publia en même temps son oraison funèbre en langue vulgaire et sous sa forme française, qui doit être celle dans laquelle il l'a écrite d'abord, elle a une bien autre portée. On la regarderait à peine sous son vêtement à l'antique. Le texte français, au contraire, a un tout autre accent qui ne s'est pas éteint et qui vibre encore aujourd'hui. Le volume également publié par Regnault et Claude Chaudière le 20 avril 1550 avec un privilège du roi du 14 et in quattro de 8 et 139 pages sous les signatures A.T. Il commence par une pièce de vers de 6 pages datée du 17 avril et dédiée par Charles de Sainte-Marthe à Marguerite de Valois, sœur de Henri II, et à Jeanne, princesse de Navarre et duchesse du Vendômois, c'est-à-dire à la nièce et à la fille de notre Marguerite. Il se termine par de courtes épitaphes de plusieurs doctes personnes qui sont Monseigneur Duval, évêque de Séez, Monseigneur Héroët, Jean Frotté, le secrétaire de Marguerite, Louis de Sainte-Marthe, procureur du roi à Loudun, I.M., une damoiselle parisienne, A.Y., Pierre des Mireurs, avec sa devise Ignoti nulla cupido, et Charles de Sainte-Marthe. La dernière pièce est un sonnet à Damoiselle Renée Laudier d'Alençon. Aucune de ces épitaphes en vers n'a de valeur historique, et le plus grand nombre n'a pas même de mérite poétique, mais l'oraison funèbre est aussi remarquable qu'importante. On la critiqua cependant à son apparition, et M. Leroux de Lincy a relevé les curieux passages où Sainte-Marthe nous la prend dans une autre oraison funèbre, celle de Françoise d'Alençon, duchesse de Beaumont, douairière de Beaumont et de Longueville, la sœur du premier mari de Marguerite, publiée dans la même année 1550. « C'est pitié d'ouïr faire récit de combien de parts ma pauvre raison a été assaillie, blessé, déjeté, voire, et de plusieurs qui sont plus insipides que la beste. Il y revient encore une autre fois. Je ne fais doute que venue ceste mienne, oraison funèbre en lumière et connoissance des hommes, elle ne soit lardée, déchirée, blasmée, reprince, et du tout, non pourtant de tous, condamnée, comme a été celle du trespas de la reine de Navarre. Il est probable que les critiques passaient surtout par-dessus la tête de l'auteur pour atteindre la reine elle-même, toujours suspecte d'hérésie. Nous ne pouvons aujourd'hui que louer Sainte Marthe, non seulement pour avoir exprimé sa juste reconnaissance dans une langue toujours pure et souvent éloquente, mais surtout pour avoir plus d'exactitude biographique que n'en ont en général ses discours d'apparat. C'est un vrai témoignage contemporain dont rien ne dispense et que rien ne remplacera. En même temps que l'oraison funèbre, il parut un tombeau poétique également sous deux formes, Anna Margaritae Johnae Sororum Virginum Heroidum Anglarum In Mortem Diva Margaritae Valesia Navarrum Reginae et Catodisticon et Aliorum Carmina, Parisiis, 1550, in octavo. Ces distiques latins étaient l'œuvre de trois jeunes Anglaises du plus haut rang, filles du duc de Somerset et de la famille royale, leur père Édouard Ier Seymour étant le frère de Jeanne Seymour, la troisième femme de Henri VIII et la mère d'Édouard VI. Marguerite et Jeanne restèrent filles, Anne fut mariée à Jean d'Atlay, comte de Warwick, bien que, et peut-être parce qu'il était à la tête du parti qui l'emporta sur le duc de Somerset, décapité en 1552, 2 ans après la publication de l'ouvrage de ses filles. On s'en explique la publication en France parce que Nicolas Denisot était revenu d'Angleterre où il les avait connues. Ce fut encore lui qui, l'année suivante, fit une nouvelle édition très augmentée. Le tombeau de Marguerite de Valois, Roanne de Navarre, fait premièrement en distique latin par les trois jeunes princesses en Angleterre, puis traduites en grec, italien et français par plusieurs des excellents poètes de la France, avec plusieurs odes, hymnes, cantiques, épitaphes sur le même sujet, Paris, Michel Fezanda et Robert Grandjean, 1551. Le joli portrait en bois de Marguerite est certainement dessiné par le comte d'Alzinois, qui se piquait d'ailleurs d'être un peintre. On le voit par les vers de Robert de la Haye in iconem, comes reduxit illam, de busto alcinous. Après la dédicace, en date du 25 mars 1551, à la nièce de la reine de Navarre, l'autre Marguerite, sœur unique de Henri II et duchesse de Berry, et celle de Nicolas Herberet, sieur des Essarts, à Mesdames de Seymour, illustres princesses en Angleterre, viennent les distiques latins élégiaques des trois sœurs, traduits en grec par Dora, qui avait auparavant écrit l'épithalame d'un des deux mariages de Marguerite, en italien par IPDM, qui a pour devise Caelum non solum, en français par Damoiselle ADL, par Antoine de Baïf, et avec la devise Coelo Musa Beat, par IDBA. C'est-à-dire Joachim du Bellay, Angevin, dont les quatrains, assez faibles, comme il arrive à toutes les tâches poétiques, et omis dans l'édition de ses œuvres données par Frédéric Morel, ont été recueillis dans l'édition récente de M. Marty Lavaux, 2, 513-25 et 571-3. On a joint à ces traductions de nombreuses pièces latines de Mathieu Dupac, de Salmon Macrin, de Nicolas Bourbon, de Claude Despense, d'Antoine Armand de Marseille, de Jean Tagot, de Guillaume Bouguier, Angevin, de Nicolas Paron, N. Parot, de Pierre des Mireurs, de Claude de Sainte-Marthe et de Jean Morel, en Brunois. Nous nous intéressons plus aux trois grandes pièces françaises de Ronsard, deux dont l'une commence par « Bienheureuse et chaste cendre » et dont l'autre, ainsi que « Le vrai prophète », est traduite du latin de Dora, sont postérieures à la mort de Marguerite. Mais la troisième, qui renforcera ma voix, a été adressée à la reine pendant sa vie. C'est celle qui se termine par les vers sur sa querelle avec Mélin de Saint-Gelais. Et fait que devant mon prince, désormais plus ne me pince la tenaille de Mélin. Après cette efflorescence poétique, il est bon de revenir à l'histoire. ce n'est qu'à la fin du siècle que Brantôme écrit, mais dans sa jeunesse il a vu Marguerite, et il en a beaucoup entendu parler par sa grand-mère, la sénéchale de Poitou, et par sa mère, qui en avait été dame et fille d'honneur. Par là son témoignage est comme absolument contemporain. Aussi l'article des Dames illustres est-il des plus vivants, et l'on ne peut pas plus s'en dispenser que de l'oraison funèbre de Sainte-Marthe. Sans parler des mémoires du temps, surtout de ceux écrits par des protestants, de toutes les histoires de France, des biographies générales, des histoires de notre littérature et des histoires provinciales de Béarn et d'Alençon, sans parler de l'histoire de Marguerite de Valois, de Mademoiselle de la Force, et de l'histoire secrète du connétable de Bourbon, de Baudot de Julie, publiées toutes deux en 1696, et qui sont de pitoyables romans, il serait déjà long d'indiquer même rapidement ce qui a été écrit sur elle depuis une trentaine d'années. Dès 1837, M. Castaigne lui consacrait une notice biographique et littéraire dans l'annuaire de la Charente. En 1841, M. François Génin publia pour la Société de l'Histoire de France un premier volume de lettres de Marguerite, suivi en 1842 d'un volume supplémentaire composé de lettres à François Ier. Trop de lettres y sont seulement analysées, et ces lettres, adressées le plus souvent à des personnages peu considérables, auraient cependant leur importance pour le portrait de la reine de Navarre, dont l'infatigable bonté ne se lassait jamais de s'occuper des autres. Malgré cette lacune volontaire qu'il serait facile de combler, les deux volumes publiés par M. Génin ont apporté pour la première fois un ensemble de documents et de textes des plus précieux, et leur intérêt fut signalé au public par deux articles bons à rappeler, l'un de M. Littré dans la Revue des Deux Mondes, 1er juin 1842, l'autre à Londres dans la Foreign Quarterly Review, numéro 59. M. Aimé Champollion ne s'est pas occupé uniquement de Marguerite comme M. Génin, mais dans le volume de la collection des documents inédits qu'il a consacré en 1842 à la captivité de François Ier, il a inséré de nouvelles lettres de Marguerite relatives à son voyage en Espagne et dans les poésies inédites de François Ier parues en 1847, il a joint à celles du frère un certain nombre de pièces de la sœur. C'est en 1853 que M. Leroux de Lincy a publié en trois volumes pour la Société des bibliophiles français une nouvelle édition de l'Heptaméron. Nous pouvons d'autant moins en faire l'éloge que celle-ci a l'honneur et le bonheur de la reproduire. Sa notice biographique, aussi nouvelle que remarquable, était accompagnée d'excellents appendices littéraires et le texte était enfin éclairci par des notes importantes. Mais la plus grande valeur était encore dans les soins nouveaux donnés au texte, établis pour la première fois d'une façon critique et définitive. Le remaniement de Boastuau n'a eu qu'une seule édition, mais le texte de Claude Gruget avait fait loi depuis son apparition, et c'est toujours lui qui avait été reproduit. M. Leroux de Lincy a recouru le premier au manuscrit, et par là, il nous a donné le vrai texte de l'Heptaméron. Il a commencé une famille d'éditions qui ne s'écarteront plus de la sienne et se tiendront dans le même sens. Celle-ci en est presque la reproduction, mais l'édition de la Bibliothèque gauloise, donnée en 1848 par M. Lacroix, celle plus récente de la première collection bleue, donnée par M. P. Pifto en 1875, ont déjà, toutes les deux, et comme il convenait, suivi presque complètement son texte, qui a été dès le premier jour et qui reste l'édition maîtresse. C'est à son propos qu'a été écrite l'étude de Sainte-Beuve dans le tome 7 des Causeries du lundi, et c'est en se servant à la fois des volumes de Génin et de la notice de M. Leroux de Lincy que Miss Frere a publié à Londres en 1855 ces deux volumes, The Life of Marguerite d'Angoulême, Queen of Navarre, from Unpublished Sources. Une heureuse rencontre a permis pourtant à un érudit de leur ajouter beaucoup. Le volume que M. de la Ferrière-Percy a publié chez Aubry en 1862, sous le titre de « Marguerite d'Angoulême, sœur de François Ier, étude sur ses dernières années », est absolument nouveau et des plus intéressants. Le registre de ses dépenses tenues par son secrétaire Jean Frotté de 1540 à 1549 et l'état de sa maison en 1548 sont les deux pièces capitales pleines des détails les plus complets et parfois les plus inattendus que M. de la Ferrière-Percy a mises en œuvre éclaircies et complétées par l'érudition la plus sûre et la plus heureuse. Comme on ne pourrait lui tout prendre, il faudrait trop lui laisser. Il est à la fois moins difficile et plus juste de renvoyer à cette excellente étude dont il est impossible de se passer. Enfin, cette année même, dans un autre travail plus grave et tout aussi considérable sur le premier mariage de Jeanne d'Albret, M. de Rubles vient d'imprimer, d'après les originaux conservés à Munich, un certain nombre de lettres de Marguerite au duc de Clèves, le premier mari de sa fille. M. de La Ferrière en avait aussi donné quelques nouvelles, et le duc de La Trémouille, dans les documents historiques et généalogiques qu'il a extraits du Chartrier de Thouars, Nantes, 1878 in folio, vient d'en publier deux nouvelles. Ce ne seront certainement pas les dernières, il y aurait lieu maintenant de reprendre le sujet et de réunir d'une façon définitive la correspondance vraiment entière de Marguerite. Ce serait la meilleure biographie qui pourra jamais en être faite. Aucune ne serait aussi complète et aussi vivante. Nous n'avons pas même à l'esquisser ici. Pour remplacer le trop peu que nous pourrions seulement répéter et résumer, nous avons pensé qu'il valait mieux laisser la parole aux contemporains. Tout le monde, Bayle, aussi bien que Leroux de Lincy, que M. Niel dans l'article de ses portraits du XVIe siècle, et que M. de La Ferrière-Percy ne peut parler de Marguerite sans employer et sans emprunter de longs passages de Brantôme et de Sainte-Marthe. Personne n'en sait plus et personne ne dit mieux. On les a cités, on les citera encore à satiété. Nous avons trouvé qu'au lieu de les extraire, il valait mieux les transcrire, parce que rien ne peut les remplacer. On trouvera donc à la suite de cet avertissement leur texte entier, et ceci nous amène à dire comment cette édition doit être composée. Son point de départ a été l'acquisition de cuivres originaux, gravés d'après Frendenberg pour l'édition de Berne. Pour les compléter, M. Eudes a fait regraver sur cuivre les entêtes et les fleurons de Denker. À cette très remarquable et très célèbre illustration, il fallait aujourd'hui un nouveau texte. La Société des bibliophiles français a gracieusement autorisé l'éditeur à se servir du texte et des notes de M. Leroux de Lincy. Elle n'a fait de réserve que pour la notice initiale et pour des documents qui ne se rapportent pas à Marguerite. Son édition, qui conservera toujours son intérêt et sa valeur par son élégance typographique et par son caractère personnel, sera donc seule à offrir ses différentes parties. Mais grâce à sa bienveillance, toutes les notes, tous les appendices littéraires et bibliographiques de M. Leroux de Lincy se retrouveront ici. Le lecteur commencera par trouver la réimpression de la précieuse oraison funèbre de Charles de Sainte-Marthe. Quelques passages ressassent les lieux communs de la rhétorique oratoire du temps. Nous avions commencé par vouloir les supprimer et nous serions restés dans cette pensée si leur absence avait dû rendre sensiblement plus court l'ouvrage de Sainte-Marthe. Ils sont en réalité si peu nombreux qu'on aurait gagné quelques pages seulement. La chose n'en valait donc pas la peine, et le livre est assez rare pour qu'il vaille mieux, du moment où il est si riche en souvenirs et si touchant comme accent, le donner sans suppression et lui laisser tout son caractère. Nous avons seulement réuni à la fin les manchettes des marges de l'édition originale de manière à en former une sorte de table analytique. Le texte de Brantôme vient ensuite. À l'article des Dames illustres, nous avons joint les autres passages épars dans d'autres parties. M. Leroux de Lincy, qui en avait inséré de très longs fragments dans sa notice, s'était contenté de renvoyer, par une table spéciale, à ce qu'il n'avait pas eu à employer. Nous avons préféré éviter cette peine au lecteur, qui trouvera dans le quatrième volume, aux notes de chaque nouvelle, la transcription complète des passages, assez nombreux, où Brantôme a fait allusion à tel ou tel conte en particulier. Nous avons suivi le texte de la très bonne édition donnée par M. Lalanne dans la collection de la Société de l'Histoire de France. Les autres appendices de ce premier volume, la notice des éditions de l'Heptaméron, où nous avons seulement inséré le texte entier des deux préfaces de Claude Gruget et de Boisthuot, avec pour ce dernier la concordance de ses numéros et de ceux de l'ordre ordinaire. La notice des manuscrits et édition des poésies de la Reine de Navarre. La notice d'un manuscrit composé pour elle et la notice de quelques portraits originaux de la Reine de Navarre sont l'œuvre de M. Leroux de Lincy. Nous leur ajoutons seulement une note particulière et plus étendue sur l'édition de Berne, ce qui était nécessaire puisque cette nouvelle édition en reproduit l'illustration. Nous avons dit que nous empruntions le texte de M. Leroux de Lincy. Nous y avons cependant introduit une modification typographique qui a son importance. Dans les éditions anciennes comme dans les manuscrits, il n'y a que peu ou point d'alinéa. Même quand une nouvelle est très longue, elle va tout d'une venue, sans arrêt ni repos. Nous l'avons, au contraire, partagée en alinéas selon le sens, et nous avons coupé de même les dialogues. Il n'y a là absolument aucun changement de fond, si ce n'est plus de lumière, parce que selon les cas différents, il y a tantôt contraste, tantôt repos et reprise. La facilité de la lecture, par conséquent la valeur même du style, y gagneront plus qu'on ne le peut croire. Comme M. Joaust, à qui nous avions parlé de ce parti pour l'élégante réimpression qu'il a faite en 1870 du texte de Claude Gruget, nous avons continué de distinguer par un caractère différent les deux parties bien distinctes de l'heptaméron. Nous avons adopté un caractère pour les nouvelles et un autre pour les prologues et les réflexions. L'heptaméron se compose en réalité de deux choses. Des histoires et, à côté d'elles, des commentaires dont la reine de Navarre les a accompagnés en parlant soit en son nom, soit par la bouche de ses interlocuteurs. Il est même étonnant qu'on n'ait pas depuis plus longtemps traduit typographiquement cette distinction si évidente, dont la clarté, en quelque sorte matérielle, qui va nécessairement plus loin, restitue son mouvement et sa légèreté à ce qui autrement paraissait trop serré et ne semblait ni s'interrompre ni finir. Par là, et plus encore par la ponctuation entièrement nouvelle, dans laquelle nous nous sommes astreints à suivre et à marquer avec soin les coupures réelles de l'idée et de la phrase, nous aurons peut-être, et sans rien toucher, contribué à faciliter l'intelligence et par suite à augmenter la valeur de l'œuvre. Le prologue et la première journée complète se trouveront dans le premier volume. Le second comprendra les secondes, troisième et quatrième journées. Les cinquième, sixième, septième et le commencement de la huitième formeront le troisième volume qui terminera le texte. Quant au quatrième, il sera entièrement consacré aux notes que M. Leroux de Lincy avait mises à la fin de chacun de ses volumes. Il a paru plus convenable de les réunir à la fin pour ne pas rompre la suite des nouvelles, aussi bien au point de vue littéraire qu'au point de vue typographique. On y trouvera également la note de M. Leroux de Lincy sur les interlocuteurs mis en scène, sur les dates chronologiques résultant des récits qui montrent que l'heptaméron est l'œuvre des dernières années de la reine, et aussi une table et un glossaire nécessairement nouveaux. Enfin, le quatrième volume comprendra encore les poésies inédites de la reine, extraites par M. Leroux de Lincy, des manuscrits de la Bibliothèque nationale et de l'Arsenal, et les quatre farces, ou plutôt les comédies pieuses de Marguerite. M. Leroux de Lincy avait donné les deux qui étaient inédites. Nous y avons joint les deux déjà imprimées au XVIe siècle dans la Marguerite des Marguerites, en les collationnant sur le manuscrit où elles se trouvent avec les deux autres. On le voit, cette édition a un double caractère, en même temps qu'elle redonne une nouvelle vie à l'œuvre de deux charmants artistes du dernier siècle, elle rend pleine justice au beau travail de M. Leroux de Lincy. Il n'est guère possible de mieux faire, ni dans un autre sens, et nous ne saurions trop remercier la Société des bibliophiles français de la bonne grâce avec laquelle elle nous a mis à même de rendre à l'un de ses membres les plus laborieux et les plus méritants l'hommage qui peut être le plus honorable à sa mémoire en en faisant une nouvelle édition. Pour ma part, le souvenir que j'ai gardé, comme tous ceux qui l'ont connu et pratiqué, des qualités personnelles et bienveillantes, comme de la bonne confraternité littéraire et de l'ardeur consciencieuse qui caractérisait cet aimable homme, ce chercheur curieux et ce bibliophile passionné m'a rendu particulièrement agréable d'avoir à suivre la révision et la réimpression de l'une des œuvres qui conserveront le mieux son souvenir. Je serais heureux qu'on approuvât ce que je peux avoir ajouté à cette nouvelle édition, mais comme le meilleur vient certainement de lui, elle n'est pas mon œuvre, mais la sienne. Anatole de Montéglon. Fin de l'avertissement, lu par Christiane Jehanne.